et bienvenue à tous. Vous êtes dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes d'Utopie. Nous sommes le jeudi 14 avril, il est 10h. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui avec moi, il y a Flo et Nanou. Salut Camille. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, nous allons vous parler pendant cette émission donc, de notre prochain événement qui aura lieu donc, le 15 mai. C'est un dimanche et ça s'appelle Cultivons nos passions. Alors Flo, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, du coup, Cultivons nos passions, ça se déroulera à Rochesson le dimanche 15 mai de 10h à 19h. Il y aura tout un programme culturel la journée, mais pas que. Il y aura un marché de producteurs et d'artisans. Donc Camille va nous en dire un peu plus sur les stands que vous pourrez découvrir sur l'événement. Donc les festivités commencent à 10h avec l'ouverture du marché. À midi, nous servirons un repas fait maison, un menu printanier. Du coup, tout n'est pas encore défini au niveau du repas. Ça sera à découvrir. Donc le repas est sur réservation. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas pour venir manger en famille dimanche midi. Et après, vous aurez l'occasion de vivre une super journée familiale avec un spectacle. Et la journée se clôturera avec un bal-concert. Donc voilà. Je ne sais pas si Camille, tu veux dire quelques mots sur les standiers qu'il va y avoir la journée, quelle forme de marché ça va être? Oui, on peut aussi peut-être déjà préciser que cet événement, en fait, c'est donc la deuxième édition. La deuxième édition, oui, parce que bon, l'année dernière, il y a eu l'édition, mais ça a été un mélange avec la guinguette parce qu'on n'a pas vraiment eu l'autorisation préfectorale de la faire, de faire Cultivons nos passions à la date qu'on avait souhaité. Donc, bon, il y a eu un petit micmac comme ça, mais en soi, donc, c'est la deuxième vraie édition de Cultivons nos passions. Et moi, je voulais revenir aussi sur le fait que cet événement, on avait choisi de le faire un dimanche en journée, justement pour que ça soit un événement familial. Et aussi, il a une particularité, cet événement, parce que c'est quand même, comme le nom l'indique, autour des plantes et tout ça. Et il y a aussi une vocation de sensibilisation à l'écologie. En fait, donc cet événement est subventionné par le département, par le biais du plan VASTE. Hein, donc c'est un plan mené par le département de sensibilisation et d'action écologique. Et donc nous sommes donc partenaires avec le département sur cet événement. Donc un des objectifs justement, voilà, c'est de proposer aux gens qui viennent participer à faire des ateliers do it yourself, à être un petit peu sensibilisés autour de toutes les questions écologiques, puisque nous, depuis le début de l'association, ces valeurs-là, c'est des valeurs inhérentes. Donc on fait attention à ce qu'on propose comme produit dans nos repas, on fait attention à nos déchets, on fait attention aussi à utiliser le moins de plastique possible. Il y a toujours des toilettes sèches aussi qui ont été repimpées l'année dernière sur les événements en extérieur. On propose toujours un petit espace jeu en bois. Et là aussi, donc sur cet événement, on a également un troc de plantes et de graines. Donc voilà, si dans vos jardins, vous avez des plantes qui débordent, bah vous pouvez les amener ce jour-là. Ça sera avec grand plaisir qu'on peut les échanger. Moi, je suis en train de me faire des petites graines là de côté. Et puis comme ça, voilà, c'est aussi un petit moment d'échange et aussi de sensibilisation pour que les gens ils puissent peut-être faire le jardin, découvrir des nouvelles plantes, découvrir des nouvelles choses. Voilà. Et une transmission de savoir aussi, du coup, parce que moi, je me souviens qu'à la première édition, il y avait eu beaucoup de discussions entre les personnes. C'était très riche, c'était très riche en communication. Bah, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé de belles plantes et ça vaut le coup de venir. Oui, il y avait une conférence aussi la première année. Ouais. C'était l'agriculture paysanne, non? Oui. Animée par Thierry Jacquot. qui est d'ailleurs un de nos exposants. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et voilà. Donc après, sur ouais, c'est pas encore programmé, mais peut-être qu'on peut faire. On pourra peut-être programmer un temps d'échange avec Thierry autour de l'agriculture paysanne et de la conf des Vosges. Je sais pas trop à voir qu'est-ce qui va se mettre en place. Ouais. Du coup, c'est vraiment un événement basé autour de l'échange. Cultivons nos passions. C'est ça. De l'échange et nos passions, du jardin, la passion. Cultivons. Ouais. Cultivons la passion. On met une petite musique. Allez, on peut mettre une petite musique. On va vous mettre Balogaggio, du coup, vous faire découvrir Step by Step, issu de leur dernier album. Alors attendez que je me replante, voilà. Ça fait longtemps. Et Balogaggio, c'est eux qui vont animer le bal concert le 15 mai. C'est ça. Ça se termine direct comme ça. Bon. Alors, donc ça, c'était donc un extrait de l'album de Balogaggio qui s'appelle Step by Step, que vous aurez le plaisir d'écouter le 15 mai, n'est-ce pas, à Cultivons nos passions. Donc c'est musique un peu trad, on y reviendra tout à l'heure. Nanou, tu voulais et dire même quelque chose? Beaucoup trad. Beaucoup trad, d'accord, entendu. Alors, moi, je vais vous faire un petit point sur les exposants que vous pourrez retrouver donc à Cultivons nos passions pour cette deuxième édition. Alors, bon, pour l'instant, toutes les inscriptions sont pas clôturées, hein, donc il y aura encore des gens qui vont s'inscrire au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on a déjà juste un fil, donc c'est une amie qui vient du Val d'Ajol, qui est couturière, donc elle propose tout un tas de créations, disons un peu autour du zéro déchet, hein, puisque elle propose des essuie-mains lavables, des lingettes, des éponges, mais également elle fait aussi de la création des sacs, tout ça. Donc vous aurez le plaisir de la retrouver à Cultivons nos passions. Je peux poser une question? Oui, Camille, elle fera aussi un petit atelier ou pas, ou alors elle expose? Alors simplement, pour l'instant elle expose. Je peux lui poser la question, puisque de toute façon, là pour l'instant, je voulais qu'il y ait pas mal d'ateliers do it yourself. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de me pencher là-dessus, mais je vais lui poser la question. Oui, ça pourrait être intéressant à voir, parce qu'il faut ramener la machine à coudre et tout ça. Alors bon. On coud à la main comme à l'ancienne. Ouais. Avec toute la journée sur le doigt pour expliquer, et c'est parti. J'ai fait une éponge dans ma journée. Impeccable. Donc voilà, donc il y aura juste un fil couturière. Nous aurons aussi également Salomette les petites mains, donc qui est une habituée aussi de nos marchés, hein. Donc c'est une amie qui travaille le macramé, et donc elle fait des bijoux avec des pierres précieuses et semi-précieuses. Alors voilà, ces pierres-là, elle fait bien attention à la provenance, hein. Elle travaille avec un tailleur en France. Et donc elle fait des bijoux en macramé, et elle fait également des belles suspensions pour accrocher vos plantes. Tout ça. On aura ensuite Autour du bois, donc ce sont des amis de Gérard May. Eux, ils font tout ce qui est tournage sur bois, bien sûr. Donc vous aurez des superbes bols, des assiettes, des mortiers, des choses comme ça, qui seront là également. On aura aussi une productrice de d'huile essentielle, des Vosges. Alors elle propose, alors je sais plus de tête, hein, doit y avoir eu les dents essentielles de sapin, enfin il y a tout un tas de petites plantes, hein, donc elle était déjà venue aussi à certaines sessions de l'assaut, hein, à certains marchés. Et elle vient d'où? Elle vient alors de la plaine, je me souviens plus le nom du bled. De Vieux-Ménil, non? Bah ouais, ça doit pas être très loin de Vieux-Ménil, parce que c'est une collègue à la ferme au bison. Ok. Donc, donc c'est par là-bas, quoi. C'est par là-bas, exactement. Donc voilà, donc elle vient. On aura aussi nos amis de la ferme au bison, justement, qui viendront proposer leurs produits, donc de la charcuterie, mais pas que. Nadia également propose des savons à la graisse de bison, qui sont super, et donc qui seront là également. Alors peut-être que Thierry aussi, qui est le représentant de la Confédération Paysanne des Vosges, sera également là, comme on le disait tout à l'heure, éventuellement pour un échange autour de l'agriculture paysanne. On aura également les éditions, cette année c'est une nouveauté, les éditions du Pourquoi Pas. C'est une édition, une maison d'édition associative qui est basée à Épinal. Et en fait, eux, ils proposent donc d'éditer que des petits écrivains et des illustrateurs qui viennent de l'école d'illustration de je sais plus d'où, pas très loin. J'ai pas bien retenu sa leçon. Et donc, eux, ils seront là et ils proposent donc des bouquins qui sont surtout avec des thèmes sociétaux et environnementaux. Et donc, il y a tout un tas de gros livres, disons, et il y a aussi toute une petite panoplie de petits livres pour les enfants. Ça s'adresse plutôt dans les âges de 5 à 10 ans, où il y a des thèmes particuliers, et en fait, il y a deux histoires de chaque côté, et à la fin, des questions qui amènent à réflexion par rapport à ce thème-là. Par exemple, moi, j'avais acheté un petit bouquin sur les gens du voyage. Il y a aussi sur le racisme, sur l'homophobie. Enfin, il y a tout un tas de sujets très intéressants. Et donc, ils seront là cette année sur le... Mais c'est génial. C'est encore une belle transmission. Et ouais. Il va avoir encore plein de belles rencontres et de belles discussions, du coup. Ah bah, puis le monsieur que j'ai rencontré, là, il est passionné par ce qu'il fait. C'est et trop vraiment, bien. C'est très intéressant de passer du temps avec lui, hein. Je vous le conseille, en tout cas. Vous repartirez sûrement avec de superbes livres à offrir ou à garder pour vous et à partager ensuite. On aura également en producteur notre Georges National avec la miellerie de la Piotte, hein, qui proposera son miel comme à son habitude sur l'événement. On a également nos amis de Détour Nature qui sont installés maintenant à Vanier, donc Romain et Marina, qui viendront exposer. Donc eux, ils font tout un travail floral. Alors ils essayent de faire au maximum, avec le minimum de fleurs coupées. Hein, donc ils font des... ils vendent des plantes et puis des des associations de plantes comme ça pour faire des choses assez jolies. Des compositions, je crois. Merci Nanou. Et donc voilà, eux ils viendront sur l'événement. Peut-être qu'ils proposeront également un atelier. Ça c'est je verrai avec eux. Et puis on aura peut-être la Confédération qui posera un petit stand. Je vais voir ça avec Thierry. Avec Christian. Ou avec Christian effectivement qui va venir avec toute la panoplie. Ouais. mais il sera pas là d'ailleurs Christian avec les vins et les bières. Eh ben écoute, je sais pas, il fallait que je le recontacte puisque je l'avais pas inscrit dans la base de données. Mais voilà, je vais le recontacter. Et ensuite j'attends des nouvelles, mais j'aimerais bien qu'on ait la boulangerie ambulante. Ça sera plus à la guinguette. Ça sera plus aux guinguettes. Parce que du coup, pour la petite parenthèse, il y a des amis du Val d'Ajol qui sont en train de monter un super projet. Donc c'est une boulangerie ambulante, enfin c'est un fournil ambulant avec tous les pains et les brioches sont déjà faits au levain et avec de la farine bio. Donc il y a épeautre, il y a farine blanche, il y a farine complète et plein d'autres farines que je ne connais pas. Et du coup, Camille, elle insiste, elle me dit « Nanou, je veux le mail de tes copains, je veux qu'ils viennent à Cultivons nos passions. » Mais là, ils sont seulement en train d'acheter le camion. D'accord. Donc ça sera à la guinguette. Donc ça sera sûrement aux guinguettes. Ouais. Et du coup, peut-être que si Mathis de la ferme des Pensées Sauvages vient, il pourra venir avec son pain bio. Voilà, j'allais exactement rebondir sur ça, puisqu'on a fait la rencontre d'un ami alsacien qui est le seul producteur de Münster de brebis. De chèvres. De chèvres ? Ah pardon, bon. De chèvres, et c'est juste un délice. Alors là, je suis en train de... Le Geister, voilà. Donc moi, je suis en train de lui envoyer des messages pour le motiver vraiment à venir partager ça avec vous, parce que vraiment, ça vaut le coup. Donc oui, effectivement, il y aura peut-être ça. Et puis après, d'autres artisans hein, que j'ai contactés, j'attends des réponses, peut-être un potier, un vanier, etc. Et aussi de la sérigraphie. Alors la sérigraphie, oui, je pense que ça serait pas mal que... Ah oui, normalement, exact, j'avais oublié. Donc c'est Ébrimbelle, ça s'appelle... Donc c'est Lucille, du coup, elle a peut-être un nom professionnel, oui. Mais là, cette heure-ci, je le connais plus. C'est quelque chose Ébrimbelle, ça c'est sûr. Ouais. Et donc eux, ils proposent des t-shirts, des cartes postales, des choses comme ça, avec de la sérigraphie un petit peu rigolote, quoi. Et c'est plutôt joli. Voilà. Donc eux, ils seront là aussi, parce que je pensais à la sérigraphie, parce qu'il y a eu une session aussi, où on avait fait de la sérigraphie avec le logo des Mondes de l'Utopie, tout ça. Et donc... on aura aussi normalement des ateliers do it yourself. Alors là, ça, je suis en train de bouibouiner pour voir qui est-ce qui peut le faire. Mais potentiellement, on pourrait avoir des confections de baume, de d'éponge tawashi, tout ça, ce genre de petites choses qu'on avait déjà eues pour la première édition. Donc, affaire à suivre. Ah, c'est super. Ah, ça va être bien. Ah ouais, ça donne trop envie. C'est à mon tour. C'est à ton tour. On peut peut-être passer une petite musique. Allez, on repasse une petite musique. C'était pour se mettre dans l'ambiance. Ah, pardon, hein, mais bon... excusez-moi. Du coup, on parle du spectacle ou on passe une petite musique? Vas-y, parle du spectacle. Ok. Donc moi, je vais vous présenter le spectacle. Donc en début d'après-midi, vous pourrez découvrir un spectacle d'art de rue entre l'art de rue, le théâtre et le cirque. Donc vous pourrez découvrir le spectacle qui s'appelle « Nous, la forêt, où comment se planter » de la compagnie Kif Kif, qui est un spectacle qui mêle jonglage, danse, portée acrobatique et texte. Je peux même rajouter aussi musique. Et du coup, il s'attache à un certain dépouillement pour mettre en valeur les corps et le déploiement de l'imaginaire des deux hommes. Donc les deux hommes, c'est Baptiste et Lucas Bouissiou, qui sont jumeaux, donc frères, et qui sont en scène ensemble. Tous les deux comédiens au long parcours de circassiens et théâtreux à travers le monde. Il y en a un qui a plutôt été du côté de l'Amérique du Nord, Canada. et l'autre qui était plutôt côté Beyrouth, enfin Liban. Et du coup, ils ont évolué après une école commune de cirque à Toulouse. Ils ont tous les deux fait leur parcours personnel avant de se rejoindre sur la création de ce spectacle. Donc la création a commencé en novembre 2020 et elle est en pleine étape de création. Donc ils sont en train de faire de nombreuses résidences dans différents lieux et ils viennent à Cultivons nos passions puisqu'ils sont en résidence au Mémo à Nancy. Pour ceux qui connaissent pas, le Mémo, c'est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir avec le Cirque Gaune. Je sais plus qui est-ce qu'il y a exactement comme compagnie, mais c'est plusieurs compagnies qui se sont associées pour créer le festival Michto à Maxéville. Et ils ont petit à petit créé un lieu à l'année avec un chapiteau, comment on dit, un chapiteau en dur. Non, ah oui. Un chapiteau permanent. Ah, un chapiteau permanent, voilà, je cherchais le mot là. Un chapiteau permanent, et du coup, ce lieu est devenu le Mémo. Ils accompagnent bon nombre de compagnies, et vous pouvez aller voir sur leur site, il y a plein de résidences tout au long de l'année 2022, avec des comptes rendus de résidence. Mais la compagnie Kif Kif ne fera pas de compte rendu de résidence puisqu'ils feront le compte rendu de résidence et la première du spectacle Nous la forêt où comment se planter à Rochesson à Cultivons nos passions. Waouh, décidément on a plein de premières nous hein, Rochesson, c'est super. Donc conçu comme une sorte de rite de passage, le spectacle part de la naissance pour aller vers la mort. Il est constitué d'une suite d'expériences motivées à chaque fois par une nouvelle arrivée de pommes. Donc c'est un spectacle autour d'un arbre, de jonglage de pommes, tout ça vous allez découvrir en partant d'une page blanche. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, on va vous laisser découvrir. Nanou, tu... Ouais, j'ai une question, ça sera aérien ? Ça sera aérien, oui, il y a du portage acrobatique. Ouais. Ok. Super. Ça sera aérien, ça sera dénudé, ça sera habillé, ça sera... Et ça sera dehors ? Ça sera beau, ça sera chaud. Ça sera dehors, effectivement. Ah bah, ouais, si ça aérien, ça vaut mieux. Hein. Mm-hmm. Parce que sinon le plafond de la salle des fêtes, c'est après c'est la mairie qui va pas être contente. Ils ont l'habitude qu'on remplace des dalles. Donc voilà, je sais pas si je vous en dis plus, puisque c'est déjà pas mal, et puis je vais vous laisser découvrir le spectacle, qui est un spectacle tout public, d'une durée d'une heure et quart, une heure et demie. Donc venez découvrir à Rochesson le 15 mai, aux alentours de 14-15 heures, le spectacle de la compagnie Kif Kif. Eh ben parfait. Si je voulais ajouter une petite chose, c'est quand même que le musicien qui les accompagne est originaire de Nancy et vit toujours à Nancy, Alexis Barbier, qui sort de l'école de jazz et qui a aussi de nombreuses cordes à son arc. Et voilà, donc c'est un peu l'homme orchestre de ce spectacle, donc c'est un peu l'expérimentation de sa musique sur deux comédiens circassiens. Ça va être trop chouette. Ouais. Parfait. On part sur une petite musique du coup ? Allez, on part sur une petite musique de Balogadjo. Qu'est-ce qu'on présente là, Camille ? La valse nuisette. Ah oui. Encore une fois de Balogadjo. Et du coup, attendez-moi, je dis un petit truc sur Valse Nuisette. Ah oui, donc Valse Nuisette a été composée par Fabien, qui est le guitariste du groupe, qui joue aussi de la mandole d'Algérie. Qu'est-ce qu'il joue aussi, Fabien ? Il joue de la sitar, non ? Bah, Fabien, si vous écoutez nos émissions, vous avez sûrement déjà entendu Fabien jouer dans un autre projet qu'on a sûrement déjà passé, même sur Radio Gemozo. Fabien, il joue dans Zakuska. Oui. Ah ouais. Et il fait de la sitar, du coup. Sitar, mandoline. Bon, bref. Écoutez, il vient de se passer un truc incroyable pour moi. Là. C'est Valse Nuisette qui a été composée par Fabien. Allons-y, c'est parti. Pardon. On était en train de discuter gentiment, j'ai pas vu venir le truc. Alors, Nanou, qu'as-tu à nous raconter ? Eh bien, du coup, à partir de 16h30, après le spectacle qui se nomme Flo. Nous la forêt, ou comment se planter ? Un magnifique bal folk concert, parce que c'est bal folk et concert, c'est les deux en même temps, sur parquet, dans la salle des fêtes de Rochesson. Donc pour les initiés, ne vous inquiétez pas, il y aura du parquet. C'est assez grand quand même en dimension, je pense qu'on débordera quand même un peu sur le carrelage, mais on peut être un bon nombre à pouvoir danser toutes sortes de danses traditionnelles. Oui, ça c'est été un grand sujet de savoir est-ce qu'on faisait en intérieur, puisque ben, c'est quand même presque dommage de proposer ça en intérieur, mais pour les vrais. Il faut absolument le parquet, et puis même pour les articulations, parce qu'on danse, tu sais, pour les chevilles, pour les pieds, tout. Après, quand tu danses sur du bitume, c'est pas pareil que quand tu danses sur du parquet. Du coup, que les débutants ne s'inquiètent pas, il y aura des intervenants qui seront là pour expliquer les différentes danses. Et moi, je pense aussi qu'on peut compter sur les initiés pour transmettre les pas, qui transmettront les pas le jour J. C'est hyper convivial, les bals folk. Et c'est Balo Gaggio qui animera le bal. Donc qui nous fera danser et vibrer, comme on disait, au son de la mandoline, au son du mandol algérien, au son du derbouka, du caron, de la clarinette, du violoncelle, du violon, et j'en passe encore pour les instruments. Et pour les avoir déjà vus, au Grand Bal de l'Europe, je peux vous dire que ça se regarde aussi bien que ça se danse. Donc si vous êtes débutant, pas de panique, venez, osez venir sur le parquet, ça se passera très bien, et au pire, venez les regarder, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors, Balo Gaggio, c'est 6 albums déjà. C'est un groupe. 6. Bah, mettez-vous d'accord, on peut six mettre 5 si vous voulez. 6 albums. J'en suis persuadée, je suis sûre de moi. Donc, c'est 6 albums, dont le dernier est sorti en 2020. Et c'est plus de 500 concerts partout en Europe, dans les plus gros festivals de danse folk. Et Balo Gaggio, c'est un groupe qui navigue sur un flot enivrant de musique de l'Est et qui est poussé par un vent du Sud. Donc, il y a beaucoup d'influences d'Afrique du Nord, beaucoup d'influences de musique de l'Est dedans, et plein d'autres encore dont on parlera avec Lucille pendant l'interview. Et du coup, toutes ces influences qui sont rassemblées entraîne le public dans des cadences hyper chaleureuses, quoi. C'est vraiment ça se danse tout seul. Excellent. C'est vraiment génial. Donc les musiciens de Balo Gaggio, ils sont 5 et ils travaillent sans cesse sur l'ouverture et la rencontre entre les musiques et les danses traditionnelles du monde. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour appuyer le fait qu'il y a de multiples influences, et c'est un travail extraordinaire qu'ils font. Et fort de leur expérience respectives, ils font converger leur personnalité musicale dans un concert, encore une fois, sans frontières. On leur a compris. Donc il y a des épices d'Orient, il y a de la fougue des Balkans, il y a du Malte et de la brume irlandaise, et ça nous entraîne dans un round musical alerte et créatif. Flo, t'as quelque chose à rajouter à ça ? Pas du tout, je voulais juste m'excuser pour dire 4, c'est bien 6. Merci. Et du coup, là, je vais vous faire découvrir Le Banquet, issu du dernier album de Balo Gaggio et qui a été composé par Lucille Magnan, que l'on aura après en interview, et par Eleonore... Attendez que je retrouve son Fournio. Nom. Fournio. Voilà. Tout de suite, vous écoutez Le Banquet, issu du dernier album de Balo Gaggio. C'est parti. Thank you. êtes toujours en direct de la radio Gémozo pour l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Oh, elle était magnifique celle-là. Sublime. Donc vous venez d'écouter Le Banquet, qui a été composé par Lucille, qu'on aura tout de suite en interview. Et là, avant, du coup, je vais vous faire écouter Amaria, issu également du dernier album, et qui a été composé par Paul, qui est le violoniste, et par Samuel, qui est le percussionniste, tout simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, que dans Ballo Gaggio, tous les musiciens apportent vraiment de leur personnalité, une touche particulière, comme je disais tout à l'heure, et là vous allez bien le sentir avec Amaria tout de suite. بلدي ونقا ونقا ونبص لهلا وهلا ماني بلدي ونقا ونقا كل يوم في بداية كل هدرة فيها نهاية كل يوم في بداية كل هدرة فيها نهاية venez d'écouter Amaria, issue du dernier album de Balogadjo. Et tout de suite, on a Lucille en ligne. Donc Lucille, c'est la violoncelliste de Balogadjo. Allô Lucille ? Oui, bonjour. Salut, ça va ? Bonjour. Salut, ouais, salut, très Lucille. Bien, bonjour. Avec moi Flo et Camille, Flo qui est le programmateur. Et salut, d'accord. Enchantée. Et Camille, la coordinatrice du coup de l'association. Salut, on est bien tout en place. Ah, ça va Lucille, en forme ? T'es prête pour l'interview ? Ouais, pas de souci, c'est bon. Eh ben du coup, moi j'aimerais bien commencer par parler un petit peu de ton parcours personnel parce que je suis vraiment épatée par toutes vos influences. Enfin, je trouve qu'il y en a énormément et que c'est énormément riche. Vraiment, c'est dense, c'est riche. Ça part de partout, ça rebondit. Moi, ça m'impressionne. Et vu que je t'ai au téléphone aujourd'hui, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours musical. D'accord, et donc je représente effectivement pas du tout Balogadjo, parce qu'on a chacun nos parcours complètement différents à propos de ça. Donc moi, alors j'ai commencé le violoncelle quand j'étais gamine, genre à 6 ans en école de musique. Ouais, hyper tôt. Après, quand même vraiment tôt. Après j'ai arrêté vers 13 ans parce que c'était pas la classe de faire du violoncelle, mais en même temps j'ai commencé le chant dans un chœur d'enfants à Montpellier, un truc qui s'appelait Opéra Junior. Qui faisait monter des gamins sur la scène de l'opéra en costume. Donc là, vraiment, ça m'a fait découvrir ce que c'était que la scène. D'accord. Et plus tard, ça, j'ai pas arrêté. Ensuite, j'ai repris le violoncelle, mais plus avec des copains dans des groupes hors cadre classique. Ok. Et je suis rentrée au conservatoire en chant lyrique. Ok. Et du coup, j'ai fait le conservatoire Montpellier, mais en chant classique. Ouais. Donc, j'ai en chant lyrique. Finalement, une formation de musique classique. Ok. Ouais, mais alors, du coup, comment t'en es venue à la musique trad ? Par le biais des copains, des copines ? Ouais, c'est ça. Après, par goût, j'étais plutôt branchée musique de l'Est, swing manouche, etc. Ouais. J'avais jamais entendu parler de la musique trad à danser, etc. Et ça, c'est quand j'ai rencontré Paul. Par des amis communs ou dans des fêtes ou dans des et du coup je lui dis ah mais moi j'ai envie de monter un groupe de musique de l'Est, et il m'a dit ah mais moi aussi, sauf que j'ai envie que ça serve à faire danser les gens, parce que lui il venait du milieu trad de par son père, etc. Et du coup, il m'a fait découvrir tout ça. Et direct, on a monté Balogadjo. C'était il y a longtemps déjà. C'était en 2005, du coup. Lucille... Le premier concert, c'est 2005. Ouais. Moi, ça me fait rebondir. Ça fait que toi, tu as dû te refaire tout un répertoire, alors, venant du classique. Enfin, t'as dû bien rebosser, quoi. En violoncelle, j'avais déjà un peu quitté le truc. Et repris par de trucs de jazz ou enfin. Bon après oui, t'étais déjà un peu dans le swing, hein. T'étais déjà un peu dans le jazz manouche, tu disais. Donc il y avait déjà ces influences de l'Est. Puis de toute façon on avait notre répertoire de groupe à créer ensemble, donc en fait on a. D'accord, ouais, donc vous l'avez créé ensemble. Chacun mis. Ouais. Ok, eh ben super. Oui, donc, on rebondit maintenant sur la création de Balogadjo en 2005. Donc, du coup, tu as rencontré Paul, et après, vous avez rencontré vos autres collègues. Il avait déjà commencé à bosser avec deux guitaristes, Alexis et Alexandre, à l'époque. Et du coup, c'est moi qui ai rejoint cette formation où ils étaient trois. D'accord. Il y a aussi eu, à un moment donné, un clarinettiste qui était avec nous, puis Gwen, qui est venue faire de la flûte traversière. Et de fil en aiguille, entre les gens qui partent, ceux qui arrivent, etc., on arrive à l'équipe actuelle qui est la même là depuis au moins 3 ans. Mais ouais, parce que moi, je vous ai vu au Grand Bal de l'Europe en 2019, et il me semble que c'était un clarinettiste du coup. Je me souviens pas de la clarinettiste. Donc, quand est-ce qu'elle est arrivée, Lucie, alors ? Non. Lucie, c'était déjà elle en 2019. Ah, et ben, je... J'ai mal vu, du coup. Il est resté juste un an ou deux, je crois, au tout début. Okay. Et ensuite, c'était plus traversière. Et la clarinette, maintenant, c'est Lucie. C'est ma mémoire qui me fait défaut. Et quelques, ouais. Et au niveau des compositions, est-ce que vous... Vous apportez tous votre touche, tous vos influences. Enfin, à ce qu'on a entendu, du coup, il y a Samuel qui est le percussionniste. Enfin, et puis pour moi, qui lui, en fait, apporte vraiment cette touche orientale. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'il apportait vraiment une touche orientale. Bah, toi, c'est vrai qu'on sent la musique de l'Est. Qu'est-ce qu'apportent les autres comme influence? Alors, ben, par exemple, on va dire que Paul, il amène le côté musique trad, etc. Et puis, depuis un bon moment maintenant aussi, le côté musique grecque, Moyen-Orient. D'accord. Il est en train de spécialiser en musique grecque, Paul. Voilà, il a plusieurs super. Autres groupes. Super. Avec un bouzouki, alors Oui, ou l'auto. Enfin, il fait pas mal d'instruments différents. Fabien, il a un groupe de musique roumaine et affilié, qui s'appelle Zakuska, et il a aussi quand même beaucoup travaillé sur toutes les musiques de l'Est, musique grecque aussi, musique. Et il amène aussi un côté assez carré dans le trad finalement, maintenant, parce qu'il D'accord. s'est mis aussi à la danse, voilà. Et, en fait, je crois que chacun d'entre nous amène plein d'influences différentes. Lucie, elle a fait un DEM de chant trad à Occitan à Toulouse. Donc elle amène à la fois le côté occitan, elle a aussi fait c'est beaucoup de chant, elle a fait de la clarinette en Turquie. Enfin voilà, en fait, chacun a plusieurs influences lui-même. Ouais, vous avez tous un beau répertoire que vous arrivez bien du coup à mettre en valeur ensemble, quoi. C'est super. Et au niveau des compositions, il y a ça fonctionne différemment suivant chaque personne. Il y en a qui amènent des compos toutes prêtes, il y en a qui amènent des idées de thèmes et on arrange ensemble. Okay. Enfin voilà, c'est suivant le feeling, quoi. C'est suivant comme ça vient. Un peu. Ok. Camille, Flo, vous avez peut-être une petite question parce que sinon, bah moi je vais prendre tout le temps. Ouais, moi j'ai une question sur la provenance du groupe. Où est-ce que vous êtes basé? Parce que du coup, vous êtes plutôt basé dans le sud, sud-ouest maintenant. C'est ça, si je me trompe pas. Ouais, alors au tout début, on était tous dans le coin de Montpellier, dans l'Hérault. Ok. Et petit à petit, ça s'est un peu éclaté parce que quand Fabien est arrivé à la place des guitaristes de Montpellier, et ben lui, il est arrivé à ce moment-là de Strasbourg. Ouais, et voilà, puis là, maintenant, c'était un il s'est installé dans la Drôme. Ça rejoignait un peu ma question parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez pas mal tourné sur l'Alsace. Et puis, vu que nous, on connaît Fabien par le biais de Zakuska. Oui. Qui joue avec des musiciens qui sont des amis à nous, de Lolomis, toute la bande croisée, ouais. des artistes strasbourgeois. Et en fait, moi, j'ai toujours eu la question dans ma tête de est-ce que vous êtes tous passés par Strasbourg ou est-ce que vous vous êtes rencontrés ailleurs que Strasbourg? Ah non, il n'y a que Fabien qui est à Strasbourg. Sinon, d'accord. On n'a vraiment aucun d'entre nous a rien à voir avec Strasbourg. Mais après, Lucie qui est arrivée, elle est d'Ariège. Et Sam, il était quand on l'a rencontré, il était à Lyon, ensuite vers Fort-Calquier. Et là, maintenant, il est venu à l'Audac, aussi, à côté de Montpellier. Enfin, voilà. Et Paul, qui était dans l'Hérault et qui était un peu à la base du groupe, lui, est parti dans la Drôme, là, depuis. Ok. Donc, voilà. Donc, la base, c'est autour de Montpellier. C'est quand même à peu près le point central, puisque du coup, c'est à mi-chemin entre Ariège et Drôme. Mais voilà, finalement, il n'y en est plus que deux du groupe... à l'ODEF. Ah ouais, donc du coup, vous êtes vraiment basé plutôt sud, quoi. Ouais. Okay. Ça, par contre, c'est sûr, ouais. Et ça va pour les répètes? Vous arrivez à bien vous caler? Si, du coup, il y en a qui ont quand même déménagé dans la Drôme Ariège. Bon, c'est pas très loin. Bah, c'est pas évident, bah, mais on fait des sessions. Ouais, ça fait quand même on des bornes. Des, voilà. Tu fais des petites, vous faites des petites résidences, ou des grandes c'est résidences. Ça, voilà. On fait des sessions, soit avant les concerts, soit exprès, et puis du coup, on prend plusieurs jours. Okay. Mais c'est vrai que c'est pas voilà c'est un petit jonglage d'agenda. Ouais, à faire. Voilà, une petite planification. Mais du coup, dans toutes vos tournées, il n'y a jamais eu les Vosges. Moi, je crois qu'il y a la Meuse. On doit y. Non, c'est vrai qu'on a peut-être jamais joué dans les Vosges. Ouais. Encore une première. Une première dans les Vosges. C'est possible, mais franchement, je suis pas tout à fait sûre de ce que j'avance. À un moment donné, on sait plus forcément exactement où on a. Ça fait longtemps qu'on sait. J'ai plus tous les noms en tête et voilà. Des fois, j'avoue, comme souvent, c'est Paul ou alors Julien, enfin des gens qui nous gèrent un peu tournée, ça nous arrive de monter dans le camion les autres et de savoir qu'on va à tel endroit, mais on n'a pas forcément regardé sur la carte. Après, c'est vrai qu'au bout de 500 concerts, on peut aussi oublier 2-3 dates, quoi. Ah, sûrement. Il y a des fois. Et du coup, sur quoi vous allez nous faire danser le 15 mai? Parce que moi, je suis vachement curieuse de ça. Est-ce que c'est un répertoire qui sera tiré de vos 6 albums? Est-ce qu'il y aura des nouvelles compos? Si oui, pour quelle danse? D'accord. Alors, à mon avis, il y aura surtout un mix des deux derniers. Ouais. Avec plus le dernier album qu'on a encore finalement quasiment pas joué avec toute l'histoire de confinement nanani. Il est sorti en janvier juste avant le confinement, du coup ça fait 2 ans nous qu'on peut presque pas jouer quoi, entre les couvre-feux, les machins, donc voilà, finalement on a envie encore de jouer ces morceaux qui sont quelque part nouveaux pour le public mais déjà presque anciens pour nous, mais bon voilà. Et bon, dans cet album, il y a plein de danses différentes, quelques extraits d'albums d'avant, et je pense qu'on a encore aussi quelques morceaux du quatrième album. Eh ben, super. Et les autres, non, les autres, on ne les joue plus. Hein. À force, ça commence à dater. Faut se renouveler. Et les danses, il y a un peu toutes les danses de bal. Hein. Et les tout nouveaux morceaux, c'est possible qu'on fasse un branle d'osso pour presque la première fois sur scène, là. Ah ouais, une ou deux fois, mais Ok. Pas encore enregistré. Voilà. Un branle de saut, tu dis? Un branle de saut. D'osso, ouais. Ok, on note. Alors, ouais. Du coup, Balogadjo, déjà 6 albums, environ un tous les 2-3 ans, à ce que j'ai lu. À part un petit arrêt de 5 ans entre le 3e et le 4e, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, là, malgré les confinements, ben oui, qui ont fait que le dernier album n'ait pas pu être mis en valeur comme vous l'auriez voulu, est-ce qu'il y aurait, par hasard, parce qu'on est déjà en mi-2022, un prochain album qui est en train de se faire, tranquillou, ou alors un EP? Oui et non, en fait. Bon, après, on n'est pas en train de se dire on veut enregistrer un album, il faudrait déjà qu'on arrive à faire écouter un peu celui d'avant, parce qu'en fait, on vend que quand on joue sur scène. On a un peu des distributeurs, je crois, mais c'est pas énorme. C'est surtout quand on joue que les gens peuvent acheter notre disque. Donc comme on a trop peu joué, il faut quand même qu'on fasse un peu écouter ces morceaux-là. Et après, on a quand même 2-3 nouveaux morceaux sur le feu. Mais on n'est pas... Ouais, là, les 2 ans qui sont passés, ils comptent pas du tout pareil que 2 ans comme là. Même nous, les 3/4 du temps, on n'avait même pas le droit de se déplacer pour se voir. Enfin, c'était compliqué. Ouais, c'était l'horreur, ouais. C'était pas donc facile. On n'a pas pu... Voilà, on a quand même réussi à commencer à bosser sur 2-3 morceaux. Mais... ils sont pas encore dans l'idée, on n'a pas l'énergie là à faire un album alors que l'autre on en a 3000. Oui, j'entends bien. Ouais. J'entends bien qu'il faut déjà on faire va déjà coups. Jouer, mais après on est content de faire notre tournée d'été avec celui-là, parce que mine de rien on l'a jamais faite cette tournée d'été avec cet album. On n'a pas été à Gentine, on n'a pas fait. Oui. Du coup, c'est quand même presque comme s'il était nouveau. Ok. Et du coup, il faudra pas oublier tous les albums en venant à Rochesson, hein, Lucide. Il faudra tout prendre pour pouvoir les vendre après le concert. Ouais, en acheter déjà. Hein. Ah oui, il faut surtout pas oublier vos albums. Hein. Tout à fait. Les gens, seront déçus aussi. Tu fais bien de prévenir, Nanou, parce que ça arrive des fois où, voilà, à la fin du concert, on est là, on va pouvoir acheter l'album, et là, on a oublié. Ah bah bravo. Et là, le public. Ouais. Ça nous est arrivé, mais pas souvent, mais ça nous est arrivé. Okay. Bon, on n'oubliera pas, promis. Surtout ne pas oublier la table de merchandising. C'est ça. Et ouais, donc les projets futurs, enfin du coup, on vient d'en parler aussi, des projets, c'est déjà de faire une belle tournée d'été, quoi. Je pense que c'est déjà un beau projet. C'est ça, à reprendre, mais c'est la reprise, nous on n'a quasiment pas encore repris là. On a un énorme mois de mai qui est super. Ah bien. Et l'été c'est chouette aussi, mais c'est là, jusque-là, on avait encore pas vraiment repris les bonnes habitudes de tournée. Donc voilà, ça reprend. Ah, ça va faire ça plaisir que les balles folk reviennent, ça va être de la vie, ça va être le retour à la vie. Ah, ça c'est sûr. Flo, Camille, une petite question? Ou je continue sur ma lancée parce que moi, c'est y aller, Anna, vas-y. Continue, ça vient pas. Je continue de débiter. Alors, j'en suis où? Ah oui, il y a une question que je voulais poser, mais on est parti sur autre chose. Balo Gadjo, donc moi j'ai ma petite idée, mais je ne dirai rien. J'aimerais bien que tu me dises c'est tiré de quelle culture et si ça a une signification particulière. Ah, alors ça c'est un nom du coup qu'on a donné à la naissance du groupe, qui est à la limite peut-être même plus tellement d'actualité, parce qu'on est pas mal parti vers plein de styles de musique, mais au départ on faisait du swing manouche, ouais. Et on était tous des blancs-becs, quoi, il n'y avait pas de gitans dans le groupe, oui. Et du coup on était des gadjos, ouais. Enfin, des gadjés, mais on aimait bien quand même faire de la musique de gitans, du coup, et on faisait du bal, voilà. C'est le bal. Au gadjo, ouais, oui. Et le O apostrophe, c'est le petit côté irlandais que Paul avait aussi au début avec son violon. Mmh. Il faisait pas mal de musique irlandaise. C'est comme les O machin, O'Connor. Ah, d'accord. Voilà, donc ça. Et finalement, bon, ben c'est un nom qui est plus tout à fait d'actualité, mais qui fonctionne bien. Et puis, bah, on a tourné avec. C'est ce groupe-là, quoi. Donc on le garde. Merci, Lucille, pour les précisions. Et ben moi, j'en arrive à ma dernière question déjà. Du coup, j'ai vu que Balo Gadjo fait partie du collectif Copersic. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que c'est, ce collectif Copersic? Est-ce qu'il vous sert d'entité administrative? Enfin voilà, que tu nous expliques un petit peu ce que c'est. Alors du coup, Copersic, c'est un groupe qui, un collectif qui réunit trois groupes. En tout cas, en ce moment, il y a eu aussi d'autres groupes qui sont passés et puis qui n'existent plus. Mais là, on a le projet Philos, qui est donc un projet de musique grecque, qui est né, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est un projet à l'initiative de Paul. D'accord. Il y a Calam, oui. Qui est un groupe qu'on connaît, oui. Mélange, ouais, avec le chanteur Adil Smali. Mmh. Voilà. Et qui fait un mélange d'influences, on va dire. Musique. Au départ, ils avaient aussi un peu d'Irlande, musique nawa, mais enfin voilà, c'est aussi un mélange de pas mal de choses. Il y a des tablas aussi. Oh là là, génial. Mais d'ailleurs, Sam joue dans Calam, non? Oui, je crois. Oui, alors du coup, c'est que des groupes qui sont un petit peu consanguins quand même. Il y a... un père croisé. On va dire du réseau. voilà. Donc il y a Paul qui joue dans tous les projets. En fait, quelque part, le collectif Copersic, c'est un peu lui qui est vraiment à l'origine de tout ça. Donc c'est les projets de Paul. Et d'accord. Dans Philos, il y a aussi Samuel, Lucie, Christophe Monté qui était dans un autre groupe avant. Et voilà, enfin, il y a Raph qui joue aussi dans d'autres projets, mais qui ne sont pas dans Copersic. Et dans Calam, il y a Samuel, Paul, oui, il y a d'autres musiciens qui ne sont pas dans Balo Gadjo. Enfin, et maintenant, Fabien aussi, qui remplace le guitariste aussi. Non, Fabien est aussi dans Calam. Ah, d'accord. Okay. Donc finalement, voilà, c'est un collectif de musiciens qui échangent entre eux et qui ont tous plusieurs influences, qui mettent à plusieurs sauces, quoi. D'accord. Et ça vous sert aussi pour le booking, alors? Est-ce que j'ai compris? Oui, tout à fait. Ça facilite les choses pour le booking? Ouais, c'est génial. Là, maintenant, on a 2 personnes qui bossent pour Copersic et c'est vraiment sacrément de la chance. Il y a Julien en régie. Ouais, voilà. Moi, je voulais te demander quelle était la place de Julien dans le Copersic. Eh ben, il est chargé de prod. D'accord. Donc, il s'occupe de tout ce qui est relations, machin, avec tous les diffuseurs, enfin, non pas les diffuseurs, les organisateurs de festivals, etc. Comme il fait des rencontres, enfin, il demande un peu des subs s'il y a besoin, enfin, il s'occupe de tous les côtés papier, etc. Et maintenant, on a Alice Lang qui habite à côté de chez nous, là, enfin, justement vers Montpellier, qui est chargée de diff. Okay. Depuis à peu près bientôt 1 an, je crois. Donc pour les 3 groupes, du coup. Voilà. Ah bah, ils bossent tous les 2 sur les 3 groupes et ça marche. On est super contents. Eh bah, ben tant mieux. Super, super. Que des bonnes nouvelles, magnifiques. Eh bah, ben tu sais quoi? Eh bah, ben moi j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a assez le temps pour repasser tes 2 coups de cœur, Lucille. Super. Ouais. Et ben, c'est bien parce qu'ils avaient rien avant, j'avais du mal à choisir. Eh ben voilà. Et du coup, on pourra passer les deux. Je pensais que vous choisiriez pour moi, mais si on met les deux, mais, c'est très bien. Mais avant, c'est encore une petite minute. Bah, moi, je peux redemander à Flo ou Camille s'il y a une dernière question, parce que moi, j'arrive à la fin de mon interview. Bah écoute, ouais, moi j'avais juste une petite question, c'était par rapport au festival Les Trades Hivernales. Est-ce que les Trades Hivernales sont organisées par le collectif Copersic? Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ce festival comme dans le Gentin, ou est-ce que c'est complètement indépendant de vous? Non, c'est Julien qui a organisé jusqu'à présent Les Trades Hivernales. D'accord. Je crois qu'il est en train de lâcher, de se faire remplacer, mais c'est lui qui est à l'origine de ce festival-là depuis le tout début. Mais c'est pas Copersic, c'est d'accord. Vraiment Julien qui avait son assoce à lui. Et Gentil, on n'organise pas, hein, on y joue. Hein. Okay. Après, on y joue depuis le début du groupe. La première année, on est allé faire Gentil. C'est génial. non, mais là, franchement, c'est cadeau. Hein. Première année du groupe, oui. Tu vas être Gentil. Ça, c'est, oui, vrai. C'est vrai que ça nous a bien mis le pied à l'étrier. Ah oui, alors ça, c'est cadeau. Et après, par contre, Paul organise un festival aussi, lui, depuis, ça va être les 10 ans, là, cette année, au Cause de la Selle, qui s'appelle Le Week-end. Mais oui, j'ai vu ça, sur Copersic. Voilà. Et cette année, on y joue justement avec Balogazzo pour les 10 ans. On y avait joué au début, et puis eh ben, on revient. Et il a lieu quand, ce festival, du coup? Parce que j'ai pas regardé les dates. Il a lieu le premier week-end de septembre, cette année, le 2 et 3. Ok. Bon, il fait encore bon. Donc il y a une belle programmation entre il y a à la fois des concerts et à la fois des balles tout le temps. Ah super. Sur les deux soirs. Et c'est un lieu super, c'est chez des copains, hein, qui ont un lieu collectif trop bien où on peut camper, enfin voilà. Super. C'est un chouette festival. Et dernière question, donc là moi je sais pas encore trop si Gentin se refait cette année, je crois que oui, mais je sais pas, il y a rien qui est sûr, et du coup je voulais te demander si toi t'en savais un peu plus, ou si Balogazzo y jouait du coup peut-être. On a mis une option, a priori on y jouerait début août, mais pareil on attend de leurs nouvelles, attend que ça confirme vraiment. Ok, mais Lucille. Ça avait l'air en assez bonne voie, mais franchement je pense que c'est compliqué, quoi, vu que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà. Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent, ils nous diront dès qu'ils savent. Ok, et ben on arrive à la fin de notre interview. Lucille, je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour nous. Je trouvais que c'était chouette, ce petit échange. Mais ouais. Et on va finir sur tes deux coups de cœur musicaux. Sur au moins ton premier que tu vas présenter. Et puis moi, après, du coup, je présenterai le deuxième quand on le passera. Donc lequel que tu choisis, en premier? Qu'est-ce que je choisis? Je présente peut-être la musique grecque là. Ok. C'est Christina. Christina Pluart qui a un ensemble, qui dirige un ensemble qui s'appelle l'Arpeggiata. Et ça c'est ce que j'aime bien dans cet ensemble, c'est justement des gens qui sont plutôt spécialistes de musique classique, musique baroque, musique ancienne. Et qui le mélange avec des musiques du monde, mais qui font ça très bien. Parce que ça peut parfois les classiques sont pas toujours ils ont des idées préconçues. Oui, c'est et vrai. Là, pour le coup, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ok. Voilà. Elle arrive vraiment, je trouve, à mélanger hyper bien les styles. Et alors donc du coup, Lucille, vu en fait que tu présentes super bien. Et je vais te laisser présenter ton deuxième coup de cœur maintenant, en fait, parce que moi je pense pas que je serais aussi bien capable que toi que de présenter ton deuxième coup de cœur. Alors ton deuxième coup de cœur, c'est K. Boaleng. Allô Lucille? Oui. T'es encore là? Et donc, ouais, du ça coup... fait un petit bip, mais j'y suis toujours. Ouais. Et tu pourrais nous dire qui est cet artiste, K. Boaleng, depuis quand il est là, ce que t'aimes chez lui? Alors, pour le coup, je connais pas grand chose. C'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai juste découvert il y a pas longtemps. Ah, mais c'est génial. Et j'ai dit ça parce que c'est un violoncelliste. Et c'est pas si souvent que. Maintenant, ça se fait quand même pas mal. De plus en plus que le violoncelle sorte du cadre classique. Mais là, c'est donc un gars d'Afrique du Sud qui s'appelle Abel Selaokoe. Et qui va vraiment assez loin aussi avec cet instrument. Je pense que déjà vous rendrez compte à l'écoute, mais lui aussi, il fait du classique sur des grandes scènes là internationales, et en même temps, c'est lui qui chante là avec son violoncelle, et il arrive pareil à mettre de la tradition. C'est génial. Des musiques d'Afrique du Sud, il va aussi loin dans le côté utilisation virtuose de l'instrument et chant. C'est un super chanteur aussi. Enfin, voilà, il est à la fois virtuose et à la fois il arrive à aller dans le côté trad assez loin. Voilà, mais je viens de le découvrir, mais je crois qu'il tourne quand même déjà sur pas mal sur des grosses scènes. Ça fait pas très longtemps qu'on parle de lui, mais voilà, c'est vraiment. Il fait des trucs de fou. mais grave, c'est hyper professionnel et c'est hyper expérimental en même temps. Enfin, c'est après moi je connais pas trop le violoncelle, mais j'ai quand même cette impression qu'il va aux limites de son instrument et en fait qu'il le connaît très très bien, qu'il le maîtrise. Ouais, il est très, et c'est pour très ça qu'il y arrive en fait. Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce qu'il connaît son instrument par cœur. J'ai vraiment cette impression qu'il connaît son instru par cœur, ce mec. Il connaît son violoncelle comme sa poche, et du coup il arrive à en tirer des limites. Et il chante en même temps. Et en plus. C'est lui qui chante. En plus. Bon, on a hâte d'écouter ça alors. Ouais. Eh bien Lucie, voilà. je te remercie. Eh ben avec plaisir. Je te dis au 15 mai. On se voit tout bientôt. Ne quitte pas, on met la musique et puis on se dit un petit mot d'au revoir quand même au téléphone. C'est mieux, je pense. Ok, très bien. Alors on va commencer par la musique grecque, du coup on va refaire dans l'ordre. Comme allez, ouais. C'est parti pour Christina Plouin. Merci à toi, Lucille. Merci à toi, au plaisir, à bientôt. Avec l'arpeggiata. Oui. Ciao, ciao. c'était Christina Plouard avec l'arpeggiata. Le premier coup de cœur de Lucille, du coup, la violoncelliste de Ballo Gaggio, qu'on vient d'écouter en interview. Et là, je vous présente son deuxième coup de cœur, qui est génialissime, qui est mon coup de cœur aussi d'ailleurs maintenant, Cabo Aleng, un artiste d'Afrique du Sud. On l'écoute maintenant. C'est parti. C'était génial. Ah bah celle-là, elle décoiffe. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. J'ai noté, c'est bon. Je vais pouvoir écouter en rentrant chez moi. Donc voilà, on approche de la fin. C'est même la fin. On va se quitter maintenant, mais on va vite se retrouver tous ensemble. On va se retrouver le 15 mai, le dimanche 15 mai, de 10h à 19h à Rochesson, sur la place du village et dans la salle des fêtes pour un bal-concert de folie, un spectacle pour tout le monde, pour toute la famille, petits et grands. Nous, la forêt, où commence planter par la compagnie Kif Kif en début d'après-midi. Un repas le midi que vous pouvez réserver dès maintenant, dès à présent, tout de suite maintenant. Ouais, réservez, prenez votre téléphone, appelez le 06 73 54 05 25. 06 73 54 05 25 et vous tomberez sur Camille qui vous prendra vos réservations pour le repas du midi et venez festoyer en famille, défiler dans notre petit marché, ça va être fort sympathique et sous le soleil. Comme d'habitude. Oui, on se retrouve aussi le 12 ou le 13 ici à Radio Guémozo avec les Oreilles du Monde, juste avant Cultivons nos passions. Et en fait, on refera un petit check-up. Voilà, on vous refera une petite piqûre de rappel. On vous en remette plein les oreilles de oui. Cultivons nos passions. Et sinon, n'hésitez pas à liker la page Facebook des Mondes de l'Utopie. Il y aura de la communication sur cet événement. Du coup, avec, je pense, et sur les autres, sur tous les artisans qui seront présents, avec les beaux spectacles que Flo a super bien choisis, comme d'habitude. Voilà, et puis pour plus d'informations, vous pouvez surtout consulter le site internet lesmondesdelutopie.fr où il y a déjà la programmation jusqu'à la fin de l'été 2022. Eh ben voilà, c'est magnifique. On est tout bon. On se dit au mois prochain. Alors. Merci à vous pour votre écoute. Passez une belle journée. Profitez bien de ce beau soleil. On se retrouve le mois prochain. Des bisous. Au revoir. À bientôt tout le monde.